pourquoi avons-nous la trouille du grand méchant loup ? Voilà bien longtemps déjà que malgré lui, le loup est un personnage qui hante la littérature. Ainsi, il est devenu, dans l'imaginaire populaire, un animal féroce qui rêve par exemple, en se léchant les babines, de croquer cet enfant qui rend visite à Mère Grand. D'ailleurs, souviens-toi, tes parents ne t'ont-ils jamais dit que le loup allait se pointer si tu ne cessais pas de pleurer immédiatement ? Bien sûr que si. Et c'est ainsi que durant de longues années, la trouille au ventre, tu as cru que le loup créchait sous ton lit. Mais il y a une autre raison à la peur du loup, car finalement, cet animal n'a-t-il pas été désigné pour incarner notre propre part d'ombre ? Prédateur malin, mais planqué au fond des bois, le loup nous rappelle sans doute notre propre bestialité enfouie sous ce qu'il convient d'appeler notre belle humanité. C'est pourquoi les bonnes âmes préfèrent avoir peur du loup que d'elles-mêmes. Du coup, écrasé qu'il est sous le poids de ce passé séculaire, le loup d'aujourd'hui aura beau faire tout ce qu'il veut, pour lui, la vie ne sera jamais facile. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Eh oui, c'est sûr que pour crier au loup comme tu es muet, c'est con. Alors certes, le loup a mauvaise réputation, mais bon, il est un peu couillon aussi. Quand Isengrin, par exemple, en plein hiver, se laisse convaincre par Goupil, le renard, de plonger sa queue dans une eau glacée pour pêcher un poisson, ce n'est pas très futé. Cela dit, cette mauvaise réputation tient également, bien entendu, à la cruauté du loup. Car qui n'a pas pleuré en découvrant les mésaventures de Blanquette ? Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'Amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis s'étant ravisée, elle tomba en garde. La tête basse et la corne en avant comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eut l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude. Résultat, tel un veau, Blanquette est morte, bouffée toute crue par le grand méchant loup vorace. Oui, car en plus d'être con et dangereux, le loup est aussi réputé dans la culture populaire pour être un gros gourmand, toujours à l'affût d'une petite friandise. Alors c'est donc toi le petit chaperon rouge, hein ? Ça sent drôlement bon, hein ? T'as des cookies là-dedans ? Je suis pas censé parler aux étrangers. Non, non, il faut pas, tu as raison. Alors qu'est-ce que tu trafiques au fond de cette grande méchante forêt ? Est-ce que tu amènes les cookies à quelqu'un en particulier ? À Mère Grand. Mère Grand, Phuket, la reine du cookie. Allez, on les balaise, qu'est-ce qu'elle assure avec ses cookies ? Elle a un truc, on dirait du cookies ensablé avec du chocolat entre les... Enfin, c'est très très... C'est bon. C'est très très bon. Tu fais souvent des livraisons pour ta Mère Grand ? Je crois pas que je devrais vous dire ça. Donc t'as rien d'autre dans le panier ? Dis donc, vous en posez beaucoup des questions, monsieur. Eh ben, je suis curieux comme loup. Laisse-moi jeter un œil. Ainsi, tu es prévenu. Amateur de cookies, fais gaffe. La faim fait toujours sortir le loup du bois. Mais bon, dans les contes pour enfants, le grand méchant loup n'a pas toujours rencontré des proies aussi fébriles que la chèvre de Monsieur Seguin ou le petit chaperon rouge. Et non, parfois, le loup est tombé sur un os, sur des adversaires beaucoup plus coriaces. Les trois petits cochons s'étaient saoulés à la bière. Naf-Naf s'éveilla le premier et courut à la salle de bain pour plonger sa tête de cochon sous l'eau réparatrice de bien des maux. Puis il sortit sur le pas de sa porte afin de prendre l'air et mettre sa tête de lard au soleil. Il éructa un superbe rot, lourd de signification quant au repas de la veille. Lui et ses frères avaient trop mangé de loup, et le loup et la bière au dîner, c'est dur à digérer, pensa-t-il dans sa tête de porc. Il préférait de loin le boudin aux pistaches, accompagné d'un petit blanc sec. Cela passait mieux, mais malheureusement donnait trop d'embonpoint et faisait grossir les jambons. Eh oui, je te rappelle que le cochon est omnivore, donc en principe, il peut en effet boulotter du loup. Même s'il est vrai qu'il préfère le boudin aux pistaches, tout le monde sait cela. Alors, résumons. A priori, le loup est con, cruel et gourmand. Et puis, plus récemment, toujours dans la représentation collective, on lui a aussi collé sur le dos l'étiquette du redoutable prédateur sexuel. Tex Avery, par exemple, le célèbre créateur de dessins animés, a fait du loup un personnage libidineux qui s'exorbite lorsque passe devant lui une jolie femme. D'ailleurs, désormais, lorsqu'un homme perd sa chair et tendre au profit d'un autre, tel le petit Nicolas il y a quelques mois, eh bien, que dit-il exactement, cet homme-là ? Alors maintenant, évidemment, comment ne pas évoquer ici La Fontaine et ses fables dans la construction populaire de cette image plutôt minable du loup ? Eh bien, le mieux, je crois, c'est d'écouter in extenso la fable du loup et de l'agneau racontée à sa manière par le génial Louis de Funès. Tend bien l'oreille, on pourrait croire que le loup, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Allez, on écoute ça juste après le nouveau jingle. Ça les amuse. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Oh ! Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles ! Oui, cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Baba ! C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say yeah. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. New hoppy, poppy, bobby, being the R and the bay. We got

fidèle comme une ombre jusqu'à destination, comme les rois mages en Galilée. Les rois mages, encensés par Shelley en 1971, suivaient des yeux l'étoile du berger pour venir apporter l'or, la myrrhe et l'encens à l'enfant Jésus, tout comme le feront demain les courtisans avec l'élu. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre balade flashback en plein air. Des balades en forêt aux grandes marches de l'histoire, des courses hippiques au loup immort et de Xénophon l'Athénien à Jean-Claude le randonneur, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être la panique en vadrouille. Alors, pour terminer, en ce dimanche de la Sainte Prudence, la panique au Mangin Palace a pleinement conscience de toute cette tension nerveuse qui monte depuis ce matin autour de ce second tour de l'élection présidentielle. Mais qui sait qui va gagner, bon sang ? On n'en peut plus d'attendre, alors franchement... Et oui, vivement lundi, puisque c'est reparti pour la campagne des législatives. Voilà, fin du 77e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. La bande de furieux du Mangin Palace te donne rendez-vous dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archi Loufoque. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Ludovic Asselot, merci beaucoup à lui. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci aussi à Perrine Reversa, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ses trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, on se retrouve donc dimanche prochain à 11h sur France Inter, mais surtout d'ici là, allez voter et surtout, ne lâchez rien. Ciao !